puis vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'on va faire tourner la boîte à dons. On a une petite boîte. Si vous pouvez mettre quelques petites pièces pour nous soutenir, pour soutenir notre activité de débat sur la place, bah vous êtes les bienvenus. Bah voilà, je passe le micro à Ralen. Non, il n'y a pas de souci pour le retard, il n'y a pas de problème. C'était un débat, ça discute. Voilà, c'est les règles du jeu. C'est bien quand il y a du débat, c'est sympa. Donc moi, je voudrais vous parler. Enfin voilà, j'ai intitulé ça vers la démocratie. En fait. J'aurais pu dire plutôt vers la vraie démocratie, parce qu'en fait la démocratie, voilà quoi, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Et donc je viens parler ici de démocratie parce que je pense qu'à Nuit debout, c'est ce qui nous relie tous, quoi. Je pense que c'est le projet politique commun qu'on aurait tous. Enfin bon, voilà, c'est mon idée à moi, quoi. Je pense que déjà Nuit debout, on est là. Bon, au départ, ça a démarré sur la fameuse loi M. Khomri et la contestation de la loi M. Khomri. Mais après, c'était aussi on contestait aussi le monde qui a rendu possible la loi M. Khomri. Et justement, on a tous contesté, je pense, hein, Nuit debout, le fait que nous ne sommes pas en démocratie, que nous sommes dans une fausse démocratie. Donc voilà, et le problème du mot démocratie, comme plein de mots, hein, il y a le mot souverainiste aussi, hein, est-ce que c'est la souveraineté du peuple, souveraineté des banques, souveraineté, voilà, il y a plein de mots comme ça, hein. Comme la liberté, c'est pareil, ça va pas avec l'égalité. Donc on est vraiment dans la novlangue, on est dans une guerre des mots. Hein. La liberté, par exemple, bah voilà, il y en a qui parlent de libéralisme, hein, comme chacun sait, le renard est libre dans le poulailler. Hein. On connaît aussi le fameux texte du traité européen ou du traité de Lisbonne qui nous parle de concurrence libre et non faussée, quoi. On sait très bien qu'il n'y a pas de concurrence libre et non faussée quand on a 5 centrales d'achat qui détiennent 90% du commerce en France. On sait très bien que c'est eux qui font la loi et qu'il n'y a pas de concurrence possible, quoi. Bon, voilà, ça c'est les fameux dogmes de la droite, voilà. Donc voilà, il y a une guerre des mots, donc j'y reviens. Et voilà, quoi, il y a la démocratie. Il y a aussi, par exemple, pour l'Union européenne aussi... On joue aussi sur l'ambiguïté d'internationalistes et de mondialistes. Donc il y a des gens, ils sont contents, on ouvre les frontières, c'est super, on est tous frères. Mais enfin bon, c'est aussi les produits, hein, qui circulent, c'est aussi les travailleurs qui sont en concurrence. Voilà quoi, c'est l'Union européenne, c'est ça, hein, c'est ça avant tout, avant de voilà. Donc il faut pas confondre mondialisme et internationalisme. Enfin, bon voilà, on a des guerres de mots, des guerres de voilà libéralisme, etc. Donc je reviens sur la démocratie. On n'est pas en démocratie parce qu'on choisit pas les gens pour qui on vote. Les gens qui arrivent pour qui on vote, c'est une liste qu'on nous impose. Je rappellerai par exemple que s'il passe pas dans les médias, si un candidat ne passe pas dans les médias, bah personne n'en entendra parler. Personne n'ira voter pour lui. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'est pas passé dans les médias. Hein ? Donc je vais revenir sur la question des médias aussi. Donc voilà, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie, démos, kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir. Donc c'est le pouvoir du peuple. Hein. Au départ, c'était ça vient de l'Antiquité grecque. Hein. Le dème, c'était une circonscription administrative. Voilà, on avait la réforme de Clisthène qui a intégré quelques esclaves et quelques métèques dans un dème, voilà, c'était qui a jeté les bases de la démocratie. En fait, bon, en Grèce, si vous voulez, ils ont quand même extrêmement thématisé, théorisé et expérimenté la démocratie, je pense, plus qu'ailleurs, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a gardé ce mot. Et voilà, bon, évidemment, en Grèce, on n'était pas en démocratie parce que bah, tout le monde, c'était les eupatrides, hein, les bien-nés qui avaient le pouvoir. Et les autres, ils avaient pas le les eupatrides qui étaient citoyens, pas le pouvoir, excusez-moi. C'était les eupatrides qui étaient citoyens de la démocratie et pas les autres. Les eupatrides, c'était les bien-nés. Donc, évidemment, les femmes, les métèques et les esclaves étaient exclus de la démocratie athénienne. Donc, on n'était encore pas en démocratie, évidemment. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont quand même jeté les bases de la démocratie. C'est pour ça qu'on a gardé le terme, je pense. Hein. Donc, moi, la démocratie dont je vais vous parler, bon. Il y a deux démocraties, d'accord ? Il y a une démocratie idéale, une démocratie pure, hein, voilà, sur laquelle on se règle, et puis après, il y a la démocratie réelle. La démocratie réelle, c'est quoi ? C'est un processus dynamique, hein, qui est susceptible de se corrompre, comme de se perfectionner, c'est-à-dire que la démocratie, elle est en mouvement, quoi, dans le réel. Voilà, ça peut se corrompre comme ça peut se perfectionner. D'où l'intérêt de la transparence, d'où l'intérêt que les citoyens doivent s'intéresser à la démocratie et d'où l'intérêt que les citoyens doivent aussi s'impliquer. Voilà. Donc, je dis ça parce que, par exemple, il suffit de prendre simplement on fait une AG, là, par exemple, de 20 personnes, chacun parle 5 minutes, voilà. On a déjà 1h40, on a déjà 1h40 de passé, chacun a parlé que 5 minutes. Qu'est-ce qu'on dit en 5 minutes ? Rien, absolument rien. Et dans les 5 minutes, il y a des gens qui s'expriment bien, d'autres qui s'expriment mal. Après, il y a ceux qui vont parler à la fin, qui seront avantagés par rapport à ceux qui parlent au début. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont à la fin, ils vont entendre les arguments du début, ils vont pouvoir les contrer, ils vont pouvoir conclure. C'est ce qu'on gardera sur la fin. Donc voilà, et c'est compliqué de créer... Une démocratie pure, quoi. C'est pour ça que je parle d'un idéal régulateur sur lequel on se règle, et après on aurait une démocratie réelle, qui est susceptible de se corrompre et de se perfectionner, qui est toujours en mouvement et qui doit toujours être que les citoyens doivent toujours surveiller. Donc c'est pour ça que d'ailleurs Aristote, il disait un citoyen c'est quelqu'un qui est capable d'être gouverné, mais aussi quelqu'un qui est capable de gouverner. C'est important, quoi. Ça doit tourner, quoi. Donc, ouais, voilà. La question de la démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Bah, la démocratie, c'est quand on a... Voilà, qu'est-ce que je définis comme une démocratie ? Parce que je disais que, par exemple, en France, on n'est pas en démocratie, que, d'ailleurs, dans tous les gouvernements étrangers, on n'est pas en démocratie. C'est des fausses démocraties, c'est des banques, les multinationales qui gouvernent. Et pourquoi c'est pas des vraies démocraties ? Parce que on a pas un mandat impératif révocable, non cumulable et rotatif. Qu'est-ce qu'un mandat impératif ? Cumulable, un mandat impératif cumulable. Qu'est-ce qu'un mandat impératif révocable ? Un mandat impératif révocable, c'est quand le peuple donne une charge publique à faire, une charge politique à exécuter, quoi. Quand vraiment l'exécutif exécute la volonté du peuple, ce qui n'est pas le cas en France, hein, ni ailleurs, et que cette personne elle doit rendre des comptes, quoi. On doit la surveiller. C'est-à-dire que quand elle exécute ce que veut le peuple, on doit pouvoir la juger. On doit pouvoir lui dire, bah non, ça va pas. Là, t'es là pour faire ça et pas autrement, etc. Donc, évidemment, le peuple est impliqué. Hein. Il doit y avoir des contrôles, etc. Faut qu'il y ait un contrôle permanent sur les élus. Voilà. Une personne, elle est élue pour exécuter la volonté du peuple. Voilà, c'est ça. Un mandat impératif révocable. Ensuite, non cumulable, bon ça vous connaissez, vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que les mandats, pour que ça tourne, il faut que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent de la politique, il faut arrêter avec les professionnels de la politique, voilà, tout le monde doit être impliqué, et justement, quand ça tourne, quand tout le monde est impliqué, bah voilà, les citoyens commencent à s'impliquer, voilà, et s'intéresser à la chose politique, etc. Bon, voilà. Bon, et rotatif, bien sûr, bah ça va tourner, quoi. Hein. Donc, mandat impératif, révocable, non cumulable et rotatif. Voilà, c'est ça qui permet, c'est ce triptyque qui permet de définir ce qu'est une démocratie ou pas. Et voilà, on voit que dans les entreprises, évidemment, il n'y a pas de démocratie, ça je vais en reparler. On voit que dans les collectivités locales, au gouvernement, que ce soit étranger, partout, il n'y a pas de démocratie. Voilà, à travers si on suit cette définition de la démocratie. Voilà, et je pense que c'est pour ça que Nuit Debout a bien marché, même aussi à l'étranger, c'est parce qu'on remettait en question les démocraties aussi à l'étranger. Donc voilà, je pense que les populations commencent à comprendre que tout ça c'est de la foutaise, que ceux qui gouvernent c'est pas le peuple, et c'est qu'on utilise ce mot toujours à tort et à travers, on n'arrête pas de l'entendre dans les médias et les politiques nous le disent. Donc voilà. Donc je vais parler alors des assemblées. Donc dans les assemblées, ce qui est important, c'est le temps de délibération. C'est primordial. Donc, l'ordre du jour, par exemple, dans une assemblée, quand on fait une assemblée, ce qui est super important, c'est l'ordre du jour. Parce que là, on voit des fois, par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais à la fac, on avait des syndicats qui se mettaient en scène et puis qui décidaient de l'ordre du jour et qui décidaient de prendre les tours de parole, etc. Ben non, ça, c'est pas démocratique. C'est l'assemblée, au départ, qui doit décider de l'ordre du jour. C'est super important, l'ordre du jour. C'est ce qui va déterminer les débats. C'est ce qui va orienter. Voilà. Donc c'est super important l'ordre du jour. Et après, les débats, il faut que ça tourne, il faut que les gens, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent s'exprimer pour qu'on ait un maximum de points de vue différents, pour que les gens soient éclairés. C'est ça qui est important dans la délibération. Et la délibération avant de voter, parce que des fois on vote, mais on délibère pas. C'est super important. Et donc, y a un gros problème dans la délibération, c'est que le peuple soit éclairé, je viens de dire. Mais là... Qu'est-ce qui éclaire le peuple ? Par exemple, dans un pays comme la France, 65 millions d'habitants, bah c'est les médias. Et quand les médias sont au service d'intérêts privés, non. Là, le peuple, il peut pas être éclairé. Vous regardez, hein, dans la télévision, c'est toujours les mêmes qui parlent. Hein. Donc ça tourne pas. Donc on n'a pas d'avis, on n'a pas d'avis différent. C'est toujours les mêmes qui parlent. D'ailleurs, les modérateurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Le journaliste, c'est le modérateur de l'Assemblée, hein, dans les petits débats à la télévision. Donc ouais, c'est un problème. Évidemment, hein, quand un Bouygues, un Bolloré, ou des vendeurs d'armes comme Dassault, ou Lagardère, ou des Pinault, des Arnault, quand ces gens-là, ils achètent les médias, je peux vous dire que c'est pas pour le bien du peuple. Hein. C'est pour leurs intérêts privés, évidemment. Donc voilà, là, il y a un gros problème. Les médias aussi, ils devraient être au service du peuple. Ils devraient être démocratiques. Il devrait pas y avoir de, patron, ça devrait être pareil, hein, c'est devrait être des journalistes, que voilà, tous les gens des médias, ça devrait être un truc démocratique, ça tourne, voilà, le pouvoir tourne, etc. C'est ça, toujours. Et ça, c'est partout. Pour que la démocratie fonctionne, c'est partout. Donc, évidemment, il y a un gros problème à ça, c'est l'éducation. C'est qu'on n'a jamais été éduqué à la démocratie, quoi. On a été éduqué à être des consommateurs passifs, quoi. C'est ça le problème. Et l'enfant, dès son plus jeune âge, il devrait être justement élevé avec des assemblées. On devrait lui apprendre à parler, à être éduqué à la citoyenneté, à l'égalité, à la liberté de parole, à apprendre à écouter les paroles contradictoires, etc., etc. Voilà. Ça, c'est super important dans les écoles. Dans les écoles, par exemple, on a la notation aussi. On note les élèves. Bah oui, ça c'est un problème, parce que là on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas dans le partage. Copie pas sur ma copie, c'est un gros problème les notes. Les notes, c'est ça met les gens en concurrence. On est déjà dans la droite, parce que les valeurs de la droite, c'est la concurrence, hein, c'est la concurrence et l'égoïsme. La gauche, c'est le partage, la solidarité et la démocratie. Voilà. Voilà, c'est ça pour moi les valeurs de la gauche et la droite. Voilà. Donc évidemment, dès l'école, si on vous met des notes, que vous êtes dans la concurrence, bah voilà, il n'y a pas de. On est dans la concurrence, quoi. Il n'y a pas de partage, quoi. Donc voilà, quoi. On a été encouragé à voilà. Donc ce qui est important aussi dans l'éducation, c'est voilà, c'est de bannir aussi les rapports, essayer de bannir les rapports de domination entre les citoyens et citoyennes, qu'ils soient physiques, intellectuels, financiers, sociaux, voilà. Mais les enseignants aussi doivent participer à la gestion démocratique de leurs établissements aussi. Ensuite, il faudrait aussi que les écoles, dans les écoles aussi, il y ait de la démocratie, quoi, voilà. Donc, une autre chose aussi, c'est, je parlais d'entreprise tout à l'heure, comme on passe les trois quarts de son temps en entreprise, bah, c'est important aussi qu'il y ait de la démocratie au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, les patrons, ils se plaignent tout le temps que c'est eux qui prennent les risques, bah, ils ont qu'à les partager, les risques. Voilà, mettons la démocratie mettons la démocratie dans les entreprises. Une entreprise, c'est quoi? Bah c'est une dictature, hein. On a un patron, le patron c'est un dictateur, hein. Il vous dit voilà, et puis il dit vous travaillez, voilà, vous arrivez avec la peur au ventre, avec cette épée de Damoclès qu'est le chômage, et puis voilà, si vous n'êtes pas content, il y a 50 personnes qui attendent votre place, quoi. Voilà, on est dans une dictature, donc ouais, c'est un problème, évidemment. On passe les trois quarts de sa vie au travail, hein. Donc évidemment, on n'est pas élevé en démocratie, on n'est pas habitué à la démocratie, puisqu'on passe les trois quarts de son temps au travail sous le joug d'un dictateur. Donc ouais, c'est un problème, voilà, c'est un gros problème. Donc pareil dans la fonction publique aussi, hein, on a une espèce de bureaucratie comme ça, il faudrait que le pouvoir tourne aussi dans la bureaucratie, dans la fonction publique. Et d'ailleurs, si on mettait de la démocratie dans le privé et dans le public, il n'y aurait plus trop de différences, hein, les différences s'estomperaient entre le privé et le public, voilà. Je sais plus, voilà. Donc, pour parler de démocratie. Et en plus, voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a eu des expériences de démocratie. On a une ville en France qui s'appelle Vaudoncourt, hein, qui depuis 70 a expérimenté la démocratie. On a une autre ville aussi en Espagne qui s'appelle Marina Leda, voilà. Marina Leda, où aussi on a une expérience de démocratie depuis un bon moment, voilà. On a Salian aussi, ouais, il y a eu une petite expérience de démocratie il n'y a pas très longtemps, c'est pas très loin. Hein. On a l'expérience démocratique de 36 en Espagne, hein, pendant la guerre, la Confédération nationale du travail, les anarchistes, qui avaient aussi. On a aussi l'autogestion libre, par exemple. Autogestion libre, c'est pareil, hein, c'est de la démocratie. Hein, l'autogestion, c'est de la démocratie. Donc voilà, pour les expériences, on a aussi à Nuit Debout, là, il y a deux expériences dont on est venu nous faire part à Nuit Debout, celle du Rojava, donc l'expérience démocratique chez les Kurdes, je sais pas où ça en est, hein, parce que bon, les Kurdes, ils ont des gros problèmes avec la guerre, hein, ça se passe en Syrie, et aussi, on a aussi au Chiapas, hein, qui est sur une population assez importante, hein, où on a une expérience démocratique qui fonctionne aussi au Chiapas. Voilà, on nous en a parlé aussi à l'éducation populaire. Donc voilà à peu près ce dont je voulais vous parler assez rapidement. Hein, j'essaie de faire court. Donc voilà, s'il y en a qui veulent poser des questions ou rebondir sur ce que je viens de dire, voilà, n'hésitez pas. Alors, d'abord, bah, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de lancer le débat, et en particulier, personnellement, j'ai bien aimé ta première partie sur la démocratie. Après, j'ai une réserve sur le fait que tu parles d'absence de démocratie. Moi, je parlerais plutôt de démocratie inachevée pour parler des systèmes en place, par exemple en France, parce que si on parle d'absence de démocratie, il est assez facile de nous opposer des non-démocraties réelles, la Corée du Nord, par exemple, enfin, et on trouverait des centaines d'autres exemples à travers l'histoire. Voilà, donc d'ailleurs, c'est plus une interrogation qu'une réserve. Peut-être que tu as quelque chose à répondre à ça. De la même manière, j'ai tiqué un peu l'absence de démocratie en entreprise. Là encore, moi je dirais que c'est une démocratie très très inachevée, évidemment. Mais en revanche, il existe quand même un cadre. C'est-à-dire que ce cadre, c'est le contrat de travail. Et c'est ce qui caractérise en fait, pour moi, des systèmes complètement non démocratiques, c'est des systèmes d'arbitraire pur. Or, une entreprise, elle est censée, je ne dis pas qu'elle le fait, hein, toujours, mais elle est censée respecter un certain nombre de règles, et notamment le contrat de travail, qui est bien malmené aujourd'hui, mais qui l'engage du point de vue pénal. Et c'est pour ça que là encore, j'hésiterais à les qualifier de dictature. Mais bon, voilà. Tu veux répondre, ouais. Donc je vais répondre sur les deux points. Donc déjà, j'ai défini la démocratie. J'ai bien défini la démocratie, quoi. Selon moi, hein, c'est mandat impératif, révocable, rotatif, non cumulable. Donc dans une entreprise, on n'a pas ça. Hein. Et dans une entreprise, je suis désolé, mais les ouvriers, ils choisissent rien, les ouvriers. C'est le patron qui choisit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on est dans un système capitaliste. Hein. Et c'est ça qui décide pour tout, hein. Pour toutes nos vies. Hein. Parce que l'entreprise, on y passait trois quarts de notre temps, mais en plus, l'entreprise, elle a un pouvoir sur l'État. Hein. Les entreprises, elles ont un pouvoir sur l'État. Enfin, je pense que je t'apprends rien, les multinationales, les banques, etc. Donc voilà. C'est un gros problème. Il est là, le problème. Le problème, il est dans les entreprises. Hein. Il y a des gens qui détiennent. Là, en ce moment, on est dans une oligarchie plutocratique. Une oligarchie plutocratique, donc oligarchie, un petit nombre. Plutocratique, c'est les riches qui gouvernent. Donc nous sommes dans une oligarchie plutocratique. On est dans une kleptocratie, là. Hein. C'est une petite minorité qui s'accaparait et qui décide pour nous. Les bonheureux, tout ça, ils décident pour nous. Hein. Là, par exemple, on prend le nucléaire. Le nucléaire, est-ce qu'on a consulté les citoyens pour le nucléaire? C'est super important, le nucléaire, quand même. Parce que le nucléaire, on nous dit, c'est pas cher. Mais attention, les déchets nucléaires, il y en a pour du pognon. Et puis on engage un paquet de générations après nous. Hein. C'est super important. C'est des choix super importants. Est-ce qu'on a consulté les citoyens? On consulte jamais les citoyens. On leur fait croire, quoi. On leur met une petite liste, ils votent 5 minutes, et puis salut, au revoir, quoi. C'est ça, hein. Et puis si les Bolloré, les Bouygues, les Arnaud, les Pinot et Lagardère tiennent les médias, pardon, c'est pas le lapsus révélateur, tiennent les médias, c'est pas par hasard, hein, c'est pas pour le bien du peuple, hein, c'est qu'eux, ils ont leur truc à faire passer. Hein. Ils nous divertissent, hein, divertissent, divertirer en latin, ça veut dire détourner d'eux. Hein. Ils nous divertissent, hein, on nous balance plein de trucs, des mariages pour tous, voilà, alors on a un peu un exemple un peu avant. Il y a un peu de ça là-dedans, hein, moi je trouve. Hein. Les mariages pour tous, les burkinis, je ne sais quoi. Là, on est en train de glisser de la lutte des classes à la lutte des races. Hein, c'est tout. Quoi. Et voilà, pour l'avantage du Front National, ils vont nous faire le deuxième tour. Et puis ça y est, c'est bouclé, l'affaire est bouclée. Hein. Pour moi, le PS, dès 1920, ça n'a jamais été démocratique. Hein, ils ont accepté le capitalisme comme une nécessité. Et le PC, c'est quoi, 1920 ? Ils sont alignés sur les thèses de Lénine dès 1920. C'est quoi les thèses de Lénine ? C'est la dictature bolchevique, quoi. C'est une minorité bureaucratique qui a exploité le peuple russe pendant plus de 70 ans. C'est ça, le PC. Bah ouais. Donc on n'a jamais eu de gauche en France. Parce que la gauche, c'est ça. La gauche, c'est la démocratie. Moi, je pense que c'est ça. La solution, elle est là. C'est qu'on n'a jamais expérimenté la vraie démocratie. En France et ailleurs, en France, dans les entreprises, partout. Je pense qu'il est là, le problème. Voilà, à partir du moment où... Moi, c'est mon analyse personnelle. À partir du moment où tu prends le pouvoir par la force, que tu interdis la démocratie, que tu muselles les médias, je vois pas où tu peux instaurer du communisme. Ou alors, on te fait des réformes, pendant des années et des années, les réformes du PS, je vois qu'on est toujours dans le même système, si ce n'est pire. Voilà. Donc... Voilà, quoi, pour répondre à ta question, je sais plus s'il y avait d'autres questions, non ? C'était ça, les questions, ouais. Ah oui, tu me disais aussi, les gouvernements, ils sont pas démocratiques. Après, tu dis, ouais, si on dit ça, on va nous dire, ouais, il y a des dictatures. Bah ouais, je pourrais aussi être handicapé, mais bon, ce serait bien. Voilà, oui, c'est ça que je voulais te lire. Dès 1789, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on n'est pas en démocratie. Dès 1789, on a un monsieur qui s'appelle l'abbé Sieyès, qui est un des pères fondateurs de notre démocratie, hein, de notre démocratie, entre guillemets, de notre constitution, pardon, pas de notre démocratie, puisqu'on n'est pas en démocratie. Vous voyez, même moi, je me fais avoir. Donc, voilà ce que disait l'abbé Sieyès en 1789. Écoutez bien, au moins lui, il était clair. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Au moins, là, c'était clair. Au moins, en 1789, c'était clair. Il y avait d'un côté la démocratie, de l'autre côté les régimes représentatifs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime représentatif qui représente les banques, les multinationales, mais qui n'a jamais représenté le peuple. Voilà. Oui, bon, je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous venez de développer, hein, c'est très intéressant. Mais néanmoins, j'ai relevé à un moment donné le fait que vous évoquiez des villes qui avaient une expérience démocratique. Et indépendamment du fait que vous avez évoqué aussi des luttes ouvrières qui étaient démocratiques comme l'ELIP, ça a été un grand moment de l'histoire du mouvement ouvrier, l'ELIP, mais il y a aussi le Larzac. Et aussi aujourd'hui Notre-Dame-des-Landes, c'est pas dans le contexte des luttes ouvrières. Pardon ? Les Nuits debout, évidemment. Bon, tout cela sont des exemples effectivement de développement de vie démocratique et de tentatives de tendre vers. Bon, mais ce que je voudrais évoquer là. C'est une activité de toute une société dans un mouvement ancré en résistance et avec une pugnacité incroyable. Je veux parler du peuple syrien qui se bat contre un tyran sanglant qui est dans une guerre quasi-génocidaire avec son propre peuple et avec l'aide de tous les impérialismes. Tous les impérialismes. Évidemment américains, mais aussi russes, etc. Bon, bref. Et là, a émergé, dans la dynamique de cette lutte-là, une vie démocratique extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que, dans un pays où il n'y avait que deux journaux, l'un disant la même chose que l'autre, il y a eu des centaines de publications dans des villes qui ont connu un bouillonnement intellectuel incroyable. À Alep, mais pas simplement à Alep, à Damas, à Homs et compagnie. Bon, et des rats, etc. Et là, on constate aujourd'hui que si ce peuple-là, malgré une souffrance inouïe, parce qu'à Alep, aujourd'hui, c'est pas un Guernica, c'est Guernica au quotidien. Je le sais, moi, parce que je suis humanitaire et j'y vais. Et la maternité que nous avons mis en place a été bombardée et rasée, ciblée. Il y a eu les enfants, les femmes qui ont accouché, etc. Tout le monde est... Il y a la moitié de ce qui était là qui sont morts. Bon, bref. Donc, mais quoi qu'il en soit, dans ce contexte-là, cette population, organisée en conseils, organisée en conseil continue à résister parce que précisément elle a une vie démocratique. Elle a une vie démocratique, il y a rejet de tout ce qui est autorité. C'est pourquoi les religieux ont beaucoup de mal à s'implanter et sont rejetés, comme à Nostra Idlib par exemple, mais aussi ailleurs. Et c'est pourquoi aussi les politiques et les militaires et les katibas militaires n'imposent pas leur volonté, parce que le peuple impose la sienne, et c'est-à-dire dans un souci de démocratie réelle, vécue et actualisée par une activité auto-organisée. Voilà. Et ça, c'est un exemple de démocratie, pour moi, historique. Voilà. Alors, le problème, après, c'est comment faire perdurer cette démocratie une fois le conflit terminé, etc. Hein, bon. Tu veux réagir ? Ouais, merci, monsieur, pour votre témoignage. Hein. C'est super, très bien. Bravo. Bravo pour ce que vous faites aussi. Hein. C'est super. Merci. Merci, voilà, voilà une activité citoyenne, voilà, c'est ça. En fait, la démocratie, ça fonctionne quand les citoyens s'impliquent, s'engagent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Là, par exemple, à Nuit Debout, on a eu des petits soucis, il y a eu des petites critiques. Il y a des gens qui sont critiqués dans leur organisation parce qu'ils auraient toujours le pouvoir, etc. Le problème, c'est que c'est toujours eux qui organisent. Donc, évidemment, c'est toujours eux qui sont là. Donc, après, le problème, c'est qu'il faut que ça tourne. Il est là, le problème. Il faut que les citoyens s'impliquent. Et c'est vrai qu'on n'a pas été élevés là-dedans. Il y a une autre chose aussi dans l'éducation que je n'ai pas parlé, c'est que il faut apprendre à s'auto-limiter. C'est vrai que nous, on n'est pas... parce que comme on n'est pas dans une démocratie, on n'a pas été appris à nous auto-limiter. On a besoin d'un chef, d'un flic, d'un papa, d'un voilà, etc., d'un professeur, de je ne sais quoi. Et il faudrait apprendre à s'auto-limiter par soi-même. Et c'est ça, les âgés, apprendre à discuter et tout. Bon, après, je ne sais pas comment ça peut prendre la forêt des débats avec des enseignants. Mais oui, l'auto-limitation, c'est Castoriadis hein, qui parle de ça dans un entretien avec Mermet. Et c'est extrêmement important l'autolimitation. On voit qu'il y a des soucis des fois dans les AG parce que justement les gens s'emportent et voilà. Et l'autolimitation c'est très important, apprendre à écouter l'autre, etc. Voilà. Pareil les partis politiques, il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques. Un parti politique c'est une machine de guerre à gagner les élections. Voilà. Il y a pas, c'est pareil hein, dans les primaires, on choisit pas les gens pour qui on vote non plus. Hein. C'est des listes, c'est pas nous quoi, c'est pas les militants de base qui choisissent. Les militants de base ils servent simplement à aller coller des affiches, voilà quoi. C'est donc voilà quoi, il n'y a pas trop de voilà, c'est pareil en cas de guerre à l'époque des démocraties, quand on est en guerre on ne se prend pas le temps de délibérer, on nomme un stratège chez les Grecs ou un dictateur chez les Romains, voilà, ça vient de là, le mot dictateur c'est qu'en temps de guerre, voilà, après par extension c'est devenu ce que vous savez aujourd'hui, au sens que ça a aujourd'hui, mais au départ c'était un général qui comme le stratège chez les Grecs qui était juste là, parce que quand on est en cas de guerre, il faut des décisions rapides, on n'a pas le temps de délibérer. Bon, voilà, c'est pas... La démocratie, c'est un peu compliqué. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent réagir, là... Merci. Alors, j'ai fait pas mal de recherches par rapport à la question de la démocratie. Ça m'a beaucoup passionné dès le départ, dès que je me suis mis dedans. Et j'ai commencé à aller aux réunions de ma ville, qui est organisée par les élus, et j'ai essayé d'en parler, que ce soit aux élus, avec les gens qui venaient. Et j'ai pu me confronter énormément à des gens qui, beaucoup disaient, oui, notre démocratie n'est pas parfaite, mais bon, on n'a rien de mieux pour l'instant, et beaucoup de gens se basent là-dessus. Vous avez aussi ceux qui disent, oui, notre démocratie, bon, elle était sympa au début, mais elle est devenue de plus en plus mauvaise vers la fin. En fait, pas du tout. J'ai pu me cultiver un peu, je veux dire. Et il se trouve qu'au moment de la Révolution française ou aussi américaine, c'est les personnes qui ont instauré le nouveau régime n'ont absolument pas voulu instaurer une démocratie. Ils l'ont dit clairement, il y a plusieurs citations de plusieurs personnes, dont Sieyès, mais ça, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres, on peut les étaler. C'est même hors contexte, c'est incontestable. Ces personnes-là pouvaient, ils voulaient instaurer un régime représentatif qu'ils ont appelé République. La République est un concept, j'ai dû chercher énormément pour savoir, pour connaître la définition de République. J'ai dû me faire plusieurs sites internet, plusieurs Larousse, enfin, plusieurs dictionnaires. Il n'y en a pas un qui dit la même chose. Il est impossible de savoir ce que c'est. Certains avaient tendance à dire « Bon, bah, la République, c'est la démocratie, quoi. » Et en fait, non, tu as toujours pas. Au final, je crois que la meilleure définition que j'ai pu trouver, et puis qui pourrait être la plus incontestable, c'est celle que j'avais trouvée dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au moins, je vous invite à aller regarder la définition République dans l'encyclopédie, c'est magique. Et donc, la France, historiquement, ne s'est jamais déclarée en démocratie. Il n'y a pas un seul moment dans son histoire où elle a déclaré un régime démocratique. Ils sont partis sur un régime représentatif qu'ils ont appelé République, mais derrière, il n'y a rien du tout. Après, sur la question de pourquoi, depuis des années maintenant, on appelle nos régimes démocratie, j'avais vu la petite histoire qui est assez amusante. Ça a commencé aux États-Unis, avec Andrew Jackson, qui a été candidat justement aux élections présidentielles, c'était en 1827, il me semble. Et c'est la première personne qui s'est revendiquée en tant que démocrate, et démocrate, le terme étant positif pour la première fois de l'histoire. Les années précédentes, à chaque fois qu'on parlait de démocratie ou que quelqu'un était démocrate, c'était péjoratif. C'était complètement ridicule. Andrew Jackson, c'est le premier à s'être revendiqué démocrate de manière positive. Et c'était une manière marketing de rafler les intentions de vote, ce qui a super bien marché, il est devenu président. Et depuis, 10 ans plus tard, cette idée s'est exportée en Europe, et depuis, tous les candidats, tous les partis, même les royalistes, se sont dits démocrates. Et je pense que c'est de cette manière, depuis que tout le monde parle de notre démocratie, nous sommes démocrates, il n'y a pas de souci. Républicains, démocrates en plus. Mais l'excuse qu'on pourrait donner aux personnes qui ont instauré nos régimes à la Révolution française, ils avaient tendance à dire que, oui, effectivement, la majorité de la population en France à cette époque-là ne savait pas lire, ne savait pas écrire. On peut comprendre leur manière de penser. C'est non, on va pas laisser le pouvoir au peuple. Il n'est pas éduqué, il ne connaît rien. Nous sommes éclairés, nous savons lire, nous savons écrire, nous avons fait des études, nous allons nous charger de ça. Et le pire, c'est que le peuple il a marché à fond là-dedans, parce que bon, ça a fonctionné avec le système électoral, qui le système électoral est totalement antidémocratique à la base. Hein. C'est un système électoral, le principe c'est de voter pour la meilleure personne. Hein. C'est la personne qui correspond le mieux à nos idées, donc la meilleure. La meilleure, c'est le principe de l'aristocratie. Aristos meilleur. Je reprends. ça pouvait peut-être marcher au début, mais au fur et à mesure, on s'est aperçu que les gens qui étaient les meilleurs, c'était aussi les plus riches. Et ça s'est transmis aussi de cette manière. Un système électoral, pour que ça nous favorise, il faut avoir de l'argent, être connu. Et ensuite, il n'y a même pas besoin d'être le meilleur, il suffit juste d'être le plus riche. Et il n'y avait même pas besoin de cibler une population pour lui donner le droit de vote. Hein. Au début, c'était censitaire, il fallait avoir de l'argent pour voter. Ils se sont aperçus que ça marchait bien, même quand tout le monde votait, même les plus pauvres. Ils votaient pour des riches bien connus. À partir de ce moment-là, tout roule. Donc c'est un peu de cette manière, j'ai peut-être caricaturé, je ne sais pas. Mais c'est à peu près de cette manière que s'est déroulée l'histoire de la démocratie en France, aux États-Unis, même un peu partout en Europe. Non. Tu veux répondre ? Donc rapidement sur le monsieur là aussi qui parlait de religion, j'ai oublié là tout à l'heure, c'est à propos de la religion c'est la vérité, elle vient d'en haut, elle se discute pas, donc... pas vraiment démocratique la religion, hein. C'était juste pour rebondir là, quand il parlait d'Alep et tout ça, là, de la Syrie. Effectivement, la démocratie ça vient d'en bas et ça se discute, hein. Tout se discute, hein. c'est du débat et tout, alors que la religion c'est une vérité qui vient d'en haut et qui se discute pas, donc c'est pas vraiment compatible. J'ai oublié aussi de parler justement, là, puisqu'il parle d'élections, j'étais un peu vite là quand j'ai parlé des assemblées, Bon, évidemment, le temps de la délibération est très importante et qu'il faut que le citoyen absolument soit éclairé pour pouvoir voter. Mais il n'y avait pas que le vote, oui, effectivement. D'ailleurs, de l'Antiquité au 18e, le vote, c'était quelque chose qui n'était pas démocratique, quoi. C'était aristocratique, comme l'a dit, voilà, la démocratie, c'était le tirage au sort. Pourquoi le tirage au sort ? Parce que quand quelqu'un quand quelqu'un se présente à des élections, c'est qu'il est intéressé. Et même Platon, il en parle hein, de ça. Enfin, même à l'époque des Grecs, c'était comme ça. Ils avaient déjà pensé ça, quoi. Et donc, voilà, alors, on tirait quelqu'un au sort. Quand on tire quelqu'un au sort, il n'est pas intéressé au pouvoir. Donc, il va pouvoir... En fait, ce qui est important pour une charge politique, c'est pas d'être super... c'est d'avoir l'esprit du juste. C'est ce que dit Platon, quoi. C'est d'avoir un esprit d'équité, de justice, de... Voilà. C'est de faire ce qu'on te demande de faire. C'est tout. C'est de faire d'exécuter la volonté du peuple, c'est ça un mandat impératif. Je rappelle que l'article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul hein, en France. Hein. C'est-à-dire que un élu il peut promettre des choses et faire le contraire, il ne sera pas jugé, il n'aura pas de problème. Quoi. Voilà. Ça c'est l'article 27 de la Constitution française. Voilà. Donc il y avait le tirage au sort et ça a été expérimenté un peu, quoi. Voilà. On tire des gens au sort. Les citoyens sortent, voilà. En même temps, comme ça permet d'impliquer les citoyens, c'est super important. Et voilà, et comme ils sont pas intéressés, on va les éclairer, on va les faire délibérer sur un sujet, par exemple, etc. On les tire au sort pour une charge politique, voilà. Ils sont pas intéressés, voilà. Il y a un bon livre, là, qui s'appelle Principes représentatifs de Bernard Manin, qui parle de ça, qui reprend un peu toutes les expériences aussi démocratiques de l'Antiquité, des cités italiennes aussi de la Renaissance, etc. qui est un très bon livre que je vous conseille pour ceux que ça intéresse. Il y a une autre chose aussi après la délibération. J'ai parlé de l'élection et du tirage au sort. Il y a aussi le consensus. On peut débattre et arriver à un consensus. Ça serait l'idéal. L'idéal, ce serait pourquoi ce serait idéal ? Parce qu'on tient compte des minorités là. Mais qu'on discute, mais il faut que chacun donne, en fait. Il faut arriver à des accords, en fait. Il faut pas que les gens campent sur leur position. Il faut arriver à, voilà, que les gens, ils puissent donner un peu chacun. Et comme ça, on tient compte des minorités. Parce qu'en fait, c'est vrai que le vote, le problème du vote, c'est la dictature de la majorité, hein, comme chacun sait. Voilà, sur ce que disait le collègue, je sais plus. Enfin bon, voilà, je donne la parole aux gens. On est là pour débattre, voilà, le monsieur. Depuis 5-6 mois, nous discutons ici et puis on a parlé le même sujet ailleurs aussi. Mais je pense qu'il y a une grande erreur dedans. Et on ne peut pas parler sur une démocratie formelle. Pour une démocratie idéale, on avait déjà parlé, j'ai parlé plusieurs fois, je dis mes idées propres. Quand je dis... À partir de la démocratie antique grecque jusqu'à nos jours, la plus grande démocratie qui développe, ce qu'on parle, démocratie européenne, ou on parle grande démocratie américaine. Au début, je dis, pourquoi c'est une démocratie limitée? D'abord sur le plan économique. Le vrai qu'il y a un rapport entre l'origine et jusqu'à nos jours. Si la richesse d'un pays, la richesse du sol, richesse de la mer, richesse du ciel. Si la production, ça ne appartient pas au peuple, on peut parler sur une démocratie formelle, une démocratie bidon. Pourquoi ? C'est facile. Dans la démocratie antique grecque, Acropole, finalement, vous avez dit, vous avez fait une bonne intervention, c'est d'autres choses. Mais comme le monsieur Titadeur il a parlé, qu'on ne peut lui parler. Alors, les classes possédantes, ils avaient le droit de voter. Et puis c'était une démocratie machiste, comme je dis, c'était pas égalitaire. Une partie de la société, d'abord les pauvres, et puis les femmes, elles n'avaient aucun droit de participer aux démocraties. Oui, attends. Ça continue jusqu'à nos jours, ça. Oui, vous avez dit, je sais, on a discuté. Alors, pourquoi aujourd'hui, même le modèle de démocratie change, si le système économique reste la même place, ça ne peut rien changer. Pourquoi finalement, la classe bourgeoisie, ou classe possédante, ou classe aisée, c'est eux qui doivent décider. Je peux vous donner un petit exemple. ce qui est beaucoup Jean-Yves Trump, les écologistes ou les communistes même, erreur qu'il faisait. Je donne exemple de l'eau. De l'eau, ça appartient à qui? C'est une richesse naturelle. Normalement, qui ça peut être propriétaire de l'eau? Les gens de tous les pays. Aujourd'hui, dans le domaine de qui l'eau, quelques grands distributeurs, ils l'utilisent pour gagner le fric sur ça. Alors, ça crée une inégalité sur toute la planète. Il y a les gens qui même, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas utilisé l'eau. Alors, sans expropriété le riche, on ne peut pas parler sur une vraie démocratie. Comment on peut changer les entreprises? C'est pas comme ça. Sans expropriété le riche, vous ne pouvez pas changer parce qu'il y a une mécanique dedans, finalement. Aujourd'hui, le système transport, il y a un rapport de SNCF entre l'AREVA, Alstom. Alors qui décide, celui décide. Parce que pourquoi c'est que propriétaire? Dans la Grande Révolution française aussi, c'était la même chose. Pourquoi ils ont éliminé les égalitaires, le bas-bœuf? Ça va dire, c'était quoi, hein? Ils n'avaient pas besoin de 100 culottes. Ils n'avaient pas besoin de 100 dents. Pourtant, ceux qui étaient producteurs de tout, mais ils n'avaient aucun droit sur leur production. Et on peut donner beaucoup d'exemples. Mais la question, sans expropriété les riches, on ne peut pas parler pour une démocratie directe. On ne peut pas parler une vraie démocratie. On ne peut pas démocratiser ni entreprise, ni système éducation familiale, ni les autres systèmes, ni transport, ni on ne peut pas créer internationalisme aussi parce qu'il y a une inégalité entre les pays. Dans l'échange, il y a une inégalité. On parle aujourd'hui de la guerre. Il y a un rapport démocratique, mais il y a un rapport avec système économique. Pourquoi l'armée française aujourd'hui, oui, je fais finir, en Afrique, en Orient, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi les Américains là-bas, les Russes, ils sont là-bas, le peuple, ils ont fermé leur gueule, ils se tuent entre eux, ils ne fraternisent pas, ils ne luttent pas contre l'occupant. Alors, pour ça, pour une vraie démocratie, le défaut de démocratie grecque, c'était quoi? Voilà, oui, mais on arrive. Finalement, sans honte, sans peur, il faut dire, il faut exproprier tous les riches de toute la planète, donner la richesse de tous les pays au peuple. Le peuple, il doit partager entre eux sur planétaire. C'est comme ça qu'on peut créer une vraie démocratie. Tu veux réagir? Absolument, monsieur, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est évidemment, évidemment, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai parlé des entreprises, on passait trois quarts de nos vies dans les entreprises. Donc évidemment qu'on est assujetti à un dictateur. Le patron, c'est un dictateur. On arrive avec la peur au ventre, la peur d'être au chômage. Voilà, on a la peur d'être au chômage, on a toujours cette épée de Damoclès, ce chômage qui nous pèse sur la tête, on a peur. Voilà, et puis si t'es pas content, c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit dans une entreprise. Si t'es pas content, il y a 50 personnes qui attendent ta place. Donc voilà, on te fait faire n'importe quoi. Moi, je peux vous dire, hein, ma génération, moi j'ai commencé à travailler dans les années, début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que les choses, elles ne sont pas arrangées, quoi. Je peux vous dire que c'est de pire en pire, même dans la fonction publique. Hein. Moi, j'avais des gens, et ils appellent les VIP dans la fonction publique. Voilà, c'est pareil hein, dans la fonction publique, hein. On a le même schéma. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut mettre de la démocratie dans l'entreprise, c'est évident. En plus, les patrons, ils se peignent tout le temps, justement. Ce que je dis, les patrons se peignent tout le temps qu'ils prennent des risques. Bah, justement, on va les partager, les risques. Hein, on va tout partager. Voilà. Il faut que le pouvoir tourne. C'est tout. Il faut que le pouvoir tourne. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Voilà. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les médias, c'est pareil. Les médias, je parlais des médias qui sont tenus par les mêmes. Hein. Les Bolloré, les Bouygues, les vendeurs d'armes, Dassault, Lagardère, etc., Pinault, Arnault. C'est la même chose. Pour que le peuple soit éclairé, il faut que le peuple, les médias soient au service du peuple. Donc il faut que ce soit démocratique, les médias. Il faut que ce soit, que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent dans les médias, que ce ne soit pas les mêmes qui possèdent les médias. Il faut que ce soit le peuple qui possède les médias. Il faut que ça tourne. Et dans les entreprises privées, c'est pareil. Et dans la fonction publique, c'est pareil. Et au gouvernement, c'est pareil. Et dans les collectivités territoriales, et tout ce qui est local et tout, dans les communes, c'est pareil. Il faut que ça tourne. C'est ce qui s'est passé dans certains. On a certaines expériences, comme je vous parlais tout à l'heure, de Vaudancourt ou de Maria Leda. voilà, en Espagne ou de Vaulancourt en France, où voilà, il y a des expériences de démocratie qui se font dans des communes. Voilà. Il faut que ça tourne. Évidemment, évidemment qu'avec un régime capitaliste, monsieur, bon, la démocratie, elle est impossible, puisque c'est une minorité qui tient le capital. On est d'accord. C'est ce que j'ai dit. Hein, on est d'accord, monsieur. Bon, je l'ai proposé, il m'a dit non. Non, bon. Bon, merci. Alors, bonjour d'abord. Et je suis Ulysse, quelqu'un me connaît et d'autres pas encore. Et je vais toujours contre-courant. Alors, je me permets de critiquer le concept de démocratie. Et pour moi, d'abord, la démocratie compte pour ce qu'on en fait. Et je n'ai jamais rencontré, ni sur la place du marché, ni dans la rue, madame la démocratie. J'encontre par contre beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Et sont eux qui donnent le sens au mot démocratie. Donc je ne vais pas m'arrêter à une formule. Je pense que la bonne gouvernance, dépend de ceux qui la font. Et non pas de la droite ou de la gauche, qui finissent pour faire la même chose, mais tout simplement du niveau citoyen, disons, de la personne qui gouverne. Et on le voit aujourd'hui, me semble que ce niveau n'est pas terrible puisque le peuple s'en plaigne. La gouvernance du peuple, elle peut se réaliser si la gouvernance, c'est l'ensemble du peuple dont certains appliquent les lois, appliquent la, disons, ils s'occupent de l'exécutif, etc. Je vais faire un cours, mais ça, ce n'est pas l'occasion et le moment. Je vais arriver, voilà, je vais arriver à la fin. Alors, là, dans les exemples de l'histoire, si on veut, on peut tomber sur des dictateurs éclairés, illuminés. Je vous fais l'exemple des républiques. Une république que tout le monde connaît, la République romaine. D'abord, ils ont foutu dehors les rois. Après, ils gouvernaient à deux, pour se contrôler l'un l'autre, pour se contre-équilibrer. Il est difficile, mais garder la charge une année, pas cinq. Et après, quand le moment était venu, difficile, ils nommaient, et même un dictateur, le peuple choisissait le dictateur, le peuple c'était le Sénat, mais le Sénat n'était pas très bien, et on sera après, mais je vous laisse aller à vos livres d'élémentaire, de cours élémentaire et du collège. Le dictateur gouvernait pour 6 mois le temps que la guerre soit conduite à la victoire et il laissait tomber le pouvoir et jamais pouvait le prolonger. Voilà. Alors, ce n'est pas le fait d'être dictateur, d'être consul, d'être député, que c'est bon ou mauvais, c'est la qualité de la personne qui compte. Le mot démocratie, pour moi, ne compte pas grand-chose. Et la qualité de la personne, c'est la qualité du peuple. Et pour que la qualité du peuple s'améliore jour après jour, il faut qu'on se mette en tête que le seul moyen de père à fils, d'adulte à l'enfant, c'est que la méthode pédagogique, c'est-à-dire nous devons tous être pédagogues envers les autres, envers nos voisins, envers les vieillards, envers les enfants, c'est-à-dire transmettre non pas notre savoir, c'est bien le savoir, mais le savoir-faire, c'est-à-dire participer à la vie de la ville, à la vie de la cité, c'est autre chose. Merci Khaled, j'étais dans le microphone, merci. Là, je ne sais pas si tu étais là au début de mon intervention. Bah ouais, c'est tout le problème, quoi. Au moins, tu dis, j'arrive, je prends le train en route, ou je sais pas, quoi. Parce que là, j'ai dit des choses, et en fait, tu rebondis pas sur ce que je dis. T'es là, t'es parti, t'es dans ton monde. Bah ouais. Ouais, enfin bon, moi, j'ai défini la démocratie, donc voilà, mandat impératif, révocable, non renouvelable. Rotatif, voilà, c'est ça que j'ai appelé la démocratie. Donc c'est pas un mot comme ça que j'ai parlé du mot démocratie qui était mal utilisé. Enfin, j'ai fait tout un voilà comme quoi voilà, qu'aujourd'hui on parle de démocratie alors qu'on est dans des fausses démocraties. J'ai parlé de vraie démocratie. D'ailleurs, j'aurais dû intituler mon mon titre, au lieu de mettre vers la démocratie, c'est aujourd'hui de mettre vers, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit en commençant, hein, vers la vraie démocratie. Moi, il y a une vraie démocratie, une fausse démocratie, etc., etc. Donc voilà, j'ai même parlé du dictateur romain d'ailleurs, tu vois, donc au départ ce que c'était, voilà, c'est parce que justement on pouvait pas délibérer longtemps, donc on mettait un, et on appelait ça le stratège chez les Grecs, hein, voilà, j'en ai parlé. Donc voilà, c'est ce qui aurait été bien, c'est je sais pas. Voilà, bon, je sais pas, je sais plus quoi te dire, quoi, Ulysse. Alors, en fait, d'après moi, le souci que quand vous avez une personne ou différents représentants éclairés, c'est que c'est le fait de mener une bonne politique est totalement subjective. C'est si pour un représentant il est très bien de faire telle chose, vous avez le reste du peuple ou un certain nombre de citoyens qui ne seront pas forcément d'accord avec ce représentant. On ne peut pas définir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tout est subjectif. Donc l'avantage de la démocratie, quand c'est le peuple qui exerce le pouvoir encore, c'est que même, alors on peut, vis-à-vis de nous, on peut dire qu'ils peuvent faire des conneries. On peut très bien s'imaginer, vous imaginez s'ils revotent la peine de mort ou autre, ça peut très bien arriver. Mais il n'y a pas plus légitime que le peuple pour en décider. Ils pourraient très bien appliquer la peine de mort et quelques années plus tard s'apercevoir qu'ils ont fait une connerie et revenir en arrière. Il n'y a pas une personne qui va dire « Non, je sais que la peine de mort c'est mal, on ne va pas l'instaurer. » Et derrière, vous avez le peuple qui vont faire la gueule. Peut-être que la personne éclairée, elle a fait quelque chose de bien. Tout est subjectif. Hein. Le peuple, s'il voit qu'il est abusé par un représentant, il va vouloir se rebeller et ça va faire un massacre. Ça le fait déjà souvent. Donc, le coup de la personne éclairée, ça va pas marcher. En plus, si vous lui donnez plus de pouvoir qu'aux autres, peut-être qu'au début, elle sera éclairée, mais vers la fin, elle ne le sera plus du tout. En France, on a quoi, près de 200 ans d'expérience. Ouais, je les vois pas les personnes éclairées, quoi. Tu veux réagir ou ouais. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais là. C'est le débat, c'est le débat Platon Aristote, quoi. On a Platon, pardon, qui dit ouais, il faut qu'était pas un chantre de la démocratie et qui disait que en fait, il fallait des spécialistes pour gouverner, etc., etc. Il fallait un spécialiste. Et Aristote, il lui répond comme ça, il prend l'exemple du cuisinier, il dit « Ouais, c'est vrai que le cuisinier, c'est le plus habile pour faire le plat, mais ceux qui sont à même de juger s'il est bon ou pas, c'est quand même les gens qui le mangent, quoi. » Voilà, c'est ce qu'il répondait à Platon, quoi, voilà, quoi. Et c'est vrai que quand on a plein de gens pour juger de bah, voilà, tout à l'heure, je parlais du nucléaire, on nous a pas consulté pour le nucléaire en France, et quand même, voilà quoi. C'est quand même grave quoi. Le nucléaire, c'est des déchets qui peuvent engager des déchets qui peuvent durer des milliers d'années. C'est un gros problème le nucléaire. Ça coûte super cher en fait. Si on compte le traitement des déchets, ça on nous l'a pas dit. On nous a simplement dit ouais, c'est super nucléaire, c'est pas cher et tout. Et on nous a pas donné le choix. Bah, c'est grave parce que ça nous engage nous tous. Et ça engage pas que la France, parce que comme on a bien vu de Tchernobyl, hein, les frontières, ça n'arrête pas les radiations, etc. Enfin bon, c'est un exemple comme ça. Moi, je voulais juste, puisqu'on est à peu près tous d'accord pour se dire on voudrait un idéal démocratique, comment on s'y prend? Si tu dis déjà, la Constitution, ça va pas, ça veut dire qu'on demande un changement de la... Enfin, comment on s'y prend? T'as une idée du chemin? Je pense que voilà, ouais, c'est ça, c'est la question par excellence de Nuit Debout, c'est comment on fait pour mobiliser un maximum de gens, comment on fait pour passer dans la tête des gens le virus de la vraie démocratie, quoi. Bah voilà, c'est pour ça que je suis là, j'en parle et je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont en parler après, voilà, ou peut-être que voilà, il y a des gens qui vont aller sur le site pour écouter. Bon voilà, je suis pas un spécialiste de la démocratie, je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent s'emparer de la chose. Voilà, l'idée elle est là, c'est qu'il faut que ce soit un virus, quoi. Faut que ce soit un virus, que ça se répande. Et c'est vrai que la question qu'on doit se poser, pour moi la plus importante, parce qu'il y en a, ils sont tout en train de dire « Ouais, faites que de parler, il n'y a pas d'action et tout ». Non, au contraire, il faut parler. Et il faut parler, la chose sur laquelle on doit parler le plus, c'est ça. C'est comment on fait pour mobiliser un maximum de gens, pour faire en sorte que ça passe dans les esprits de plein de gens, et puis qu'après, voilà, on n'ait plus besoin de... voilà, qu'on passe à autre chose, qu'on teste la vraie démocratie, ce qui n'a jamais été testé dans l'histoire, puisque voilà, on a essayé des dictatures de prolétariat, on a essayé des mots, enfin des trucs bizarres, quoi, des trucs où on instaure des choses par la violence, et après on est obligé de se maintenir par la violence, on ferme la démocratie, justement, hein, vous regardez tous les exemples, hein, qu'il y a eu du communisme, on a interdit la démocratie, hein, les médias ont été muselés, voilà, les soviets, on les a liquidés, Kronstadt, comment il s'appelait là, Makhno, enfin, etc., etc. Enfin, ça, c'est pour juste l'expérience de la Russie, mais bon, hein, on peut parler de Mao, hein, et puis les Trotsky, il avait dans l'idée aussi de militariser le prolétariat. Hein, faut arrêter aussi avec Trotsky. Hein. Trotsky, c'est quand même celui qui a créé l'armée rouge. Trotsky, c'est le stratège du noyautage de l'Assemblée. Hein, c'est pas le chantre de la démocratie. Hein, je suis désolé pour aussi, voilà, je remets un petit coup sur Trotsky quand même pour rappeler un peu l'histoire. Voilà. Ouais, moi c'était pour prolonger un petit peu la question de madame tout à l'heure. Je pense que vraiment le se poser la question de la personne providentielle, ça c'est vraiment revenir en arrière, quoi. Je pense qu'on a quand même tous maintenant à peu près conscience que les procédures, elles doivent être collectives, parce que et c'est pas pour ça qu'elles seront infaillibles, mais en tout cas c'est quand même le meilleur moyen, même si ça réussira pas nécessairement, mais de se préserver de l'arbitraire et de ces dérives. Donc s'inscrire dans des procédures collectives, c'est ce qu'on fait à Nuit Debout, et puis essayer effectivement, parce que c'est la démocratie, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est pas que le vote. Et notamment, effectivement, dégager des consensus, c'est important. Ça peut se faire. Et alors là, je voudrais justement, c'est là où je disais que ça prolonge un petit peu la question de madame, si tu as une idée sur la question de l'échelle, parce que... dégager des consensus dans des... Vous avez... Certains d'entre vous ont cité des expériences, mais qui sont souvent des expériences au niveau des communes. Est-ce que c'est un modèle qui est transposable sur des échelles différentes? Voilà. Donc, c'est pour faire rebondir le débat, quoi. On a un monsieur qui s'appelle André Tolmer, qui est sur le site du parti antiparti.free.fr. Qui s'appelle André Tolmer, qui a justement pensé la chose sur un État comme la France, quoi, sur la population française. Et donc il fait ça, quoi. On a tant de personnes qui mandatent, et après on a tant de personnes qui mandatent, et on remonte, et on arrive à peu près à 500 personnes, il n'y a pas beaucoup de niveaux, en fait. C'est faisable. Après, le problème, c'est qu'il faut tout repenser le système. Il faut que, par exemple, là, comme je disais, les citoyens doivent s'impliquer. Bon, j'ai parlé de l'éducation, mais je n'ai pas parlé du travail. C'est pareil, dans le travail, il faut avoir un temps. On serait activité politique, quoi, que ça ferait partie, voilà. Ce serait, voilà. En plus, il y a de moins en moins de travail, donc c'est ce qu'il y a de plus faisable. Au lieu de mettre des gens au chômage, on partage le temps de travail et on met des gens, justement, on permet aux gens, en les éduquant au départ, les jeunes, mais après, même les gens, voilà, on partage le temps de travail et on définit un temps pour la démocratie, quoi, pour la collectivité, où les gens, on réfléchit sur la collectivité, etc., aussi bien au niveau du local qu'au niveau du... Après, des échelons plus hauts, quoi. Par exemple, on a l'expérience du Chiapas, où on n'a que trois niveaux. Hein. Il y a, je sais pas combien d'habitants au Chiapas, je sais plus si c'était 1 million, enfin, ou 500 000. Enfin, je sais pas, je suis pas un spécialiste. Mais je vois, c'est quand même un territoire qui est assez grand, hein, le Chiapas, et on a une grosse population, et ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que l'argument du nombre, c'est souvent, depuis Platon, on nous dit, ouais, quand il y a beaucoup de monde, même, je me souviens, comment il s'appelle Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, voilà, il le dit, hein, ça fonctionne, la démocratie directe, ça fonctionne sur une petite population, mais sur une grande. Donc après, c'est ça, c'est l'histoire du mandat. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'en France, voilà, tout mandat impératif est nul, article 27 de la Constitution, donc déjà, là, c'est réglé, hein, eux, ils ont réglé la question. Hein. Voilà, c'est nous qu'on vous représente et vous vous taisez, quoi, hein, en France. Hein. Donc voilà, l'idée, c'est de mandater. C'est de mandater, et après, on mandate, après, il y a des retours. Et tout ça, ça prend du temps, c'est pour ça que je parlais du partage, c'est que dans le temps de travail, il faut qu'il y ait... Donc faut s'intéresser à des expériences comme ça du Chiapas, je pense, qui est sur des grosses, des plus grosses. Il y a eu la CNT en 36 aussi, hein, en Espagne, où il y avait quand même du monde, hein, où ça a fonctionné. Après, on a reproché, on a dit en 36, ouais, mais c'était que sur un temps court. Le Chiapas, pour l'instant, ça tient, quoi. Hein, et ça tient, et le gouvernement n'est pas trop d'accord, hein, mexicain, hein, et ça fonctionne. Donc voilà, après, faut essayer de voir si, sur les expériences où il y a un peu plus de monde. Mais voilà, c'est simplement une question de délégation, enfin, c'est ce que je pense. Donc on a lu d'André Tolmer, hein, voilà, si ça vous intéresse. André Tolmer, vers une vraie démocratie. Voilà, sur le site, je sais que sur le site du parti antiparti.free.fr, il y a ce texte qu'on le retrouve, quoi. Il y a des textes intéressants, comme pareil, il y a le texte de Simone Veil, voilà, je vais parler un peu de texte aussi, hein, qui s'appelle Note sur la suppression des partis politiques, où elle explique, où c'est pareil, c'est un petit texte de 20 pages où elle nous parle de l'inutilité des partis politiques. Pareil, j'ai pas parlé tout à l'heure de la fonction présidentielle, mais ça sert pas à grand chose, hein. Ça a été réintroduit en 1848 pour faire revenir le roi. C'était pour faire revenir le roi. Et en fait, c'est Napoléon III qui a été élu. Hein. Mais au départ, en 1848, hein, la fonction présidentielle, c'était juste pour faire revenir le roi. Voilà, on est en monarchie en ce moment. Hein. C'est ça. Hein. Le président, on n'en a pas vraiment besoin. Hein. C'est aucune utilité. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin. Là, le Sénat, en ce moment, c'est pareil. Hein. On pourrait plutôt, à la place du Sénat, il y a des gens qui ont proposé ça, du début, je trouve ça très intéressant, prendre des citoyens tirés au sort, qui représenteraient le Sénat, et ces gens-là, ils serviraient à quoi ? À contrôler ce que font les autres, quoi. Ils surveilleraient, parce que c'est ça le problème, hein, la démocratie, hein, y a un truc qui est super important, c'est la transparence. Hein. Il faut qu'on voit tout ce qui se passe, quoi. Parce que c'est comme ça qu'ils nous ont, hein, c'est par le secret. Hein. Voilà. Hein. La politique, c'est l'art de comment il disait, je vais retrouver la citation, là, je vais vous passer la parole, je vais rechercher la citation exacte et je vais vous la ressortir à ce propos. Je voudrais faire la continuité avec la dame. Elle a posé la question, comment faire pour instaurer une véritable démocratie? Ça, c'est sa question. Et elle a parlé justement d'une des actions qui est mise en place, de la réécriture de la Constitution. En effet, parce que c'est très important de replacer le citoyen au cœur de la Constitution, et de redonner la souveraineté au peuple. Les législateurs, les parlementaires, les politiques, c'est eux qui écrivent les lois. Mais malheureusement, les lois qu'ils écrivent, ils les écrivent dans leur intérêt et non pas dans l'intérêt du peuple. Ils ne consultent pas le peuple pour écrire la loi. Ils ont organisé de ce fait leur pouvoir, leur puissance, et ils ont programmé l'impuissance du peuple dans la Constitution. Mais pour garantir une démocratie, l'élément qui normalement peut garantir une démocratie, c'est la justice. Or, dans notre pays, en France, la justice dysfonctionne. Et si elle dysfonctionne, elle ne peut pas garantir la démocratie. Notre justice, elle est basée sur le principe du contradictoire. C'est-à-dire, le pour et le contre doivent venir devant le juge qui est au-dessus de la mêlée, et chacun doit apporter son argumentation et ses preuves. Et c'est au juge de décider, en son âme et conscience, et selon la loi, le respect strict de la loi, qui a raison et qui a tort. Le problème, c'est que quand le juge, il est complaisant avec les lobbies et les groupes de pression, on ne peut pas avoir le contradictoire. Il n'existe pas. Il a déjà pris parti de l'une ou de l'autre partie. Il a déjà décidé dans sa tête que telle décision, parfois c'est le politique qui impulse la décision judiciaire, qui dicte je ne veux pas que cette personne soit libre, et bien le juge, il va entendre et il va établir une décision par rapport à cette décision. Donc, tant qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice, tant qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, la justice ne peut pas jouer son rôle de garant. On peut tout mettre en place pour instaurer une véritable démocratie, mais s'il n'y a pas un élément, un garant, une institution qui la garantit, elle ne pourra pas fonctionner. Oui, oui, bien sûr, hein, la constitution, c'est super important, c'est ce qui fait le cadre des lois, etc. Il n'y a pas de problème. C'est, et évidemment, ceux qui écrivent les constitutions, c'est pas le peuple, évidemment. Hein. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pour ça que nos politiques font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Pareil au niveau de la, de la justice. Dans mon triptyque, j'ai dit mandat impératif, révocable, non renouvelable et rotatif. Révocable, ça veut dire que la personne qui a une charge politique, justement, on peut la virer si elle ne fait pas ce que le peuple lui dit de faire. Et elle peut être jugée même après. Hein. Ça se passait comme ça chez les Grecs. Hein. Il y avait l'ostracisme, on pouvait aller jusqu'à la peine de mort. Hein. Les gens étaient ostracisés, on ne faisait pas n'importe quoi. D'ailleurs, les gens, à ce moment-là, les gens, quand ils vont prendre une charge politique, ils vont y réfléchir à deux fois, justement. Parce que justement, ils peuvent être jugés. On les surveille. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les mecs, ils y vont direct. Là, à l'époque des Grecs, les gens, ils allaient pas comme ça aller faire des charges politiques. Hein. En plus, bon, il y avait du tirage au sort, etc., qui faisait que les gens étaient moins intéressés. Ce que je disais tout à l'heure, quoi. Quand on est élu et qu'on se propose, on est intéressé, donc c'est dangereux. Voilà. On voit des aberrations, hein, là, comme Sarkozy. Hein, la première mesure sociale qu'il a fait, ça a été de s'augmenter de 120%. Hein. Voilà. On voit bien qu'ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, c'était pour rebondir ce que vous voulez. Évidemment, la séparation des pouvoirs, il faut que la justice soit indépendante, évidemment, bien sûr. Hein. On revient à Montesquieu, mais par contre, Montesquieu, c'était un chantre du libéralisme, malheureusement. Voilà. Merci. Alors bon, on voit à peu près quel objectif on a, c'est essayer d'instaurer une démocratie. Effectivement, c'est surtout le moyen de la mettre en place qui est le plus difficile. Comment? Des nous. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est qu'à Nuit Debout, ça fait effectivement bon, ça 5-6 mois qu'on a eu beaucoup de discussions sur plein de sujets, plein de choses passionnantes, et j'ai pas l'impression qu'on ait réussi à se donner vraiment une cible. C'est la convergence des luttes dont on a tant parlé, j'ai l'impression qu'on l'a pas eu. Alors pour moi, finalement, j'aurais bien vu, on a plein d'idées sur que ce soit écologique, économique, social, culturel, on a touché à tout, la seule chose qu'on avait en commun, c'est effectivement, on n'avait pas le pouvoir pour mettre en pratique ce dont on parlait. Et pour moi, elle était là, la convergence des luttes, c'est instaurons cette démocratie, écrivons notre constitution. Ça aurait été pour moi la priorité à mes yeux à Nuit Debout pour qu'on puisse, une fois instauré, on puisse enfin continuer à discuter et cette fois instaurer vraiment les décisions qu'on applique sur les discussions qu'on a eues. Mais ça s'est pas fait. J'ai l'impression que les gens, il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Et on a continué à discuter, et seulement que à discuter, il n'y a pas eu de concrétisation. Il faudrait peut-être se recentrer par là pour attirer, pour se relancer finalement. Je crois que je n'avais rien d'autre. Donc j'invite les gens à s'exprimer, à poser des questions. Le thème actuel là, c'est Khaled qui vient nous poser la question vers la démocratie, la vraie démocratie, voilà, qu'il l'a définie selon, comme il a envie, c'est son avis. C'est-à-dire qu'un mandat impératif, révocable, non renouvelable et rotatif, voilà comment je définis la démocratie. Voilà, je donne la parole à qui veut parler. Bon, si quelqu'un veut m'interroger, je suis prêt à répondre. Mais ce n'est pas mon rôle, c'est Khaled qui tient les cours, disons. Mais je me permets d'insister, parce que ce que j'entends, c'est qu'il faut refaire la Constitution. Le président ne vaut rien. Il faut qu'on ait un consensus collectif. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que c'est la démocratie qui nous a amené à Hitler? Il y avait le consensus général. Et avec le consensus général ou presque. Mussolini, il n'avait pas tout de suite, mais il l'a eu après. Hein? Pétain, il n'a pas eu entièrement, loin de là, mais quand même. Hein? Alors, je reviens, c'est l'individu qui fait le peuple. Les peuples individus font une seule chose. Il faut s'occuper de nous-mêmes, si on veut que la démocratie soit faite par nous-mêmes. Pour le moment, on est bousillé par un système d'enseignement, éducation populaire, hein, qui n'existe pas. Une éducation même pas nationale, c'est une éducation en régression. Et on voit le niveau d'intelligence à lequel nous arrivons, moi le premier. On cherche la voie, hein, mais il faut revenir à la base. Hein. Je vous distribuerai tout à l'heure un petit dépliant, et c'est pas moi qui l'écris, c'est un certain Paul Valéry, académicien de France oublié, qui dit, attention, en 1836, si vous continuez sur ce chemin avec les diplômes, vous allez à la casse. Et il a fait une prophétie parce qu'on y est à la casse. Voilà. Merci. Justement, Paul Valéry, ça me permet de rebondir sur sa citation. Justement, je parlais de transparence tout à l'heure. Et Paul Valéry, il a une citation que je trouve très, très intéressante qui dit « La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. » La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. Voilà, c'est ça, la politique en ce moment. Donc, ouais, comme je te disais tout à l'heure, t'as pas écouté tout ce que j'ai dit, comme t'es arrivé après, de ce que je disais. Je disais qu'on n'était pas en vrai, que nous n'étions pas en vraie démocratie issue depuis longtemps. Voilà. Que la démocratie en France, c'est une fausse démocratie, que la démocratie aux États-Unis et partout sur la Terre, c'est des fausses démocraties. Et donc, évidemment, la démocratie qui a mis Hitler au pouvoir, c'est une fausse démocratie aussi. Voilà. Quand on dit la démocratie, c'est ce qui a mis Hitler au pouvoir, bah non. On n'était pas en démocratie sous Hitler. Faudrait voir un peu, faut voir le régime que c'était. C'était pas une démocratie. Voilà, je suis désolé. Voilà, c'était pas un pouvoir, justement, mandat impératif, révocable, non renouvelable et rotatif. On n'avait pas ça dans la République de Weimar. Hein. Je suis désolé, monsieur Ulysse. Voilà, donc si vous ce que vous entendez vous fait réagir, vous fait vous poser des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez vous rapprocher et venir avec nous. Hein. S'agissant de l'idée de la solution qu'il faut un mandat irrévocable pour une personne. Pourquoi pas, mais il y a une autre idée aussi qu'on pourrait peut-être expérimenter, c'est de ne pas avoir cette conception pyramidale du pouvoir et faire en sorte qu'il y ait une personne, un président, tout repose sur un président. Et peut-être une présidence collégiale qui intègre tous les partis et non pas uniquement tantôt la droite, tantôt la gauche. Il ne faut pas qu'il y ait cette confrontation binôme à chaque fois qu'on nous met... Qu'on nous sert à chaque fois, peut-être plutôt collégial, c'est plusieurs personnes qui gouvernent en même temps et non pas une personne. Et comme ça, on n'a pas un roulement entre la droite, voilà, une assemblée qui gère et qui gouverne, et dans la guidance et non pas dans une autorité de gouvernance telle qu'on l'a aujourd'hui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en monarchie, on n'a pas besoin de monarchie, voilà, ça a été introduit en 1848 pour faire revenir le roi, c'est Napoléon III qui est venu, qui a été élu, voilà, le président de la République, ça sert à rien, quoi, ouais, une assemblée, oui, il faut un régime avec une assemblée, bien sûr, hein, là, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, quoi, moi, le président, il n'y en a pas besoin, il faut le dégager, quoi, hein, on n'a pas besoin d'être en monarchie, on l'a décapité en 1789, voilà. Ils nous l'ont remis en 1848, voilà, ils nous l'ont remis encore, on l'a encore aujourd'hui, mais ça sert à rien, quoi. Un président, c'est inutile, hein. Une assemblée, voilà, une assemblée démocratique, voilà, qui serait mandatée par le peuple, voilà, c'est ça. Ce serait ça une démocratie au niveau national, enfin je vois ça comme ça, quoi. Alors du coup, ça fait une heure là qu'on discute. Est-ce que tu veux continuer ou pas? Parce qu'en fait, le prochain intervenant ne se prononce pas, hein, c'est ça. Donc toi tu. Ouais, tu veux bien? Ok. Bon bah voilà, on continue, donc il y a déjà plusieurs prises de parole plusieurs tours de prises de parole. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le commun sur Nuit Debout et sur la démocratie, parce qu'on parle de vers la démocratie. Alors déjà ma question c'est en dehors de Nuit Debout, qu'est-ce qu'il y a comme, comme expérience disponible pour nous et je vais dire, nous, Parisiens, enfin, je veux dire, Grand Paris, quoi, personnes qui habitent dans la région. Concrètement, là, actuellement, à part Nuit Debout, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, bah, toujours pour parler de Nuit Debout, moi, je comprends les, dire la déception vis-à-vis de ce qui s'est passé en avril, en mai et autres, ces milliers de gens et ces grandes assemblées et autres. Mais moi, je pense que la démocratie, je le vois pas comme quelque chose qui tombe comme ça, où on a une épiphanie et d'un seul coup, on se réunit tous et on fait corps et on s'embrasse et on refonde. Non, je crois que ça, c'est de la mythologie. Enfin, on pourra l'écrire quand on sera en vraie démocratie. On pourra peut-être écrire ça. On pourra peut-être raconter qu'en avril, en mars, avril. 2016, on s'est tous étreints et on a fondé un nouveau monde, mais je le vois plus comme un processus. Et c'est pour ça, moi, personnellement, c'est pour ça que je continue de revenir sur la place et d'être actif. Je pense que si on veut aller vers la vraie démocratie, il faut qu'on se fixe déjà un lieu pour la construire, un territoire, et qu'on y retourne, et qu'on travaille, et qu'on soit patient, et qu'on soit déterminé. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui vont sortir. On parlait de l'homme providentiel. Moi, un homme providentiel, les hommes providentiels dans l'histoire, je les vois apparaître seulement quand les conditions sont réunies. L'homme providentiel, en fait, il a énormément de monde derrière lui. Il a des structures, il a des organisations qui se disent à un moment donné, ah bah lui on va le mettre devant, et puis on va essayer de garder un petit peu le contrôle. Alors bon. Moi, je ne souhaite pas d'homme providentiel. Moi, ce que je souhaite, c'est les conditions qui peuvent permettre de faire émerger un homme ou une femme providentielle ou n'importe qui de providentiel. Donc voilà, donc vers la démocratie, je pense que si on est déterminé à aller vers la démocratie, ben, il faut être patient, il faut être déterminé, il faut être ouvert à l'autre, au quotidien, à tout moment, pas faire les querelles d'ego que certains adorent. Y a des gens, ils adorent s'engager dans des querelles d'ego. Alors qu'on est censé refaire de la démocratie, je comprends pas très très bien. On laisse ça de côté et on persévère. On continue, donc c'était à toi. Ben, tout à l'heure j'ai évoqué à peu près, je voudrais évoquer la même chose. Il faut donner les exemples vivants. Par exemple, on peut parler méchant, bon, tout ça, mais la réalité, ce n'est pas ça. Je peux vous donner un exemple. Exemple de la Grèce. Grande majorité du peuple grec, ils ont voté pour le Syriza. Alors, sur le plan démocratique, ils ont créé un gouvernement. Mais devant eux, ils ont trouvé une barrière. C'était quoi la barrière? Trioka. Banque centrale européenne, banque centrale Allemagne, Banque centrale de France ou les autres multinationales. Finalement, entre le système économique et le système politique, si on ne crée pas une liaison, on ne peut pas parler sur le fonctionnement de les institutions. Quand on parle de séparation de le pouvoir, théoriquement, il y a la séparation de pouvoir en France. Mais jusqu'à où? Quand pauvre Eva Joly, elle voulait faire une enquête. On a bien vu le résultat. Ils ont menacé, ils ont intimidé, ils ont essayé de le tuer. Alors, elle n'a pas pu aller très loin. Le vrai pouvoir dans le main de qui? Le vrai pouvoir dans le main de multinationales. Comme je parlais tout à l'heure. Si le peuple, ils ne sont pas propriétaires de leurs richesses, il ne peut pas créer une vraie démocratie. Le résultat, ça peut être comme la Grèce. Je peux vous donner deux, trois autres exemples. Quand il y avait la fameuse constitution européenne, dans quelques pays, les peuples, ils ont majorité, ils ont voté non. Dans quelques pays, ils ont interdit le référendum. Ça va dire qu'ils n'ont pas respecté le peuple. Finalement, la constitution européenne s'est créée par les multinationales pour l'intérêt des multinationales. En France, quand il y avait la réforme de retraite, Aujourd'hui, il y avait la loi de El Khomri, mais malgré la majorité, les lois sont passées. Les gens qui ont le pouvoir, les porte-parole de les riches. Finalement, le vrai pouvoir, dans une main de... On ne peut pas dire une petite minorité, quelques oligarques, parce que un parti est une grande erreur. Derrière grande bourgeoisie, il y a une bourgeoisie moyenne. Il y a une petite bourgeoisie, quand même 25%, 30% d'un pays qui il tient la richesse du pays dans ce domaine. C'est eux qui orientent toutes les institutions démocratiques ou les autres. Alors, finalement, il y a un rapport entre le rapport de force de classe populaire et les autres. Le fonctionnement de la Constitution, ça dépend de ça. Je suis d'accord avec vous. Si le peuple il ne l'implique pas dans la vie politique, dans la vie de la richesse, dans la vie de production de MP, ça peut rester une démocratie formelle, le débat bidon, séparation de pouvoir, ça ne sert à rien. On ne peut pas jamais créer un vrai pouvoir de justice. Les élèves qui ont été élevés dans leur école, qu'il est capable de défendre eux. Un ministre économique, il est venu chez le grand finance capital, famille de Rothschild, il ne peut pas défendre classe populaire. Un pauvre comme Meryem El Khomri, son mission, ce n'est pas défendre les travailleurs. Alors, grande majorité est contre, malgré la grande majorité, même on n'applique pas les lois de débat parlementaire, on applique 49.3. Je retourne. Il faut exproprier les riches de tous les pays, sur le continent de l'Europe, sur les autres continents. Sur ce base-là, on peut créer une vraie démocratie. Tu veux réagir, ouais. Ouais, je veux bien réagir là, sur ce que tu viens de dire. C'est très intéressant sur l'Union européenne, par exemple. Évidemment que l'Union européenne, c'est pas démocratique et ça ne le sera jamais. Ça a été absolument... construit par les Américains. Hein. Je rappelle que Schuman, il s'est enrichi avec la prohibition et voilà quoi. C'est un agent américain. Même une femme comme Marie-France Garraud nous le dit. Donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment une construction américaine. Ça a été fait pour les Américains. Il suffit de voir le TAFTA en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant du traité du TAFTA, la TCICP. Donc Hollande, sous la pression populaire, Hollande, Merkel, tout ça, ils nous racontent que qu'ils ont arrêté les négociations avec le TAFTA, et vous prenez le dernier article de Jacques Sapir. Hein. Jacques Sapir, c'est quelqu'un de très intéressant, hein, c'est un économiste qui a calculé la sortie de l'euro, parce que lui, il est pour la sortie de l'euro. Et donc, Jacques Sapir, il nous dit qu'en fait, il y a, comment il s'appelle, Jean-Claude Juncker, en fait, il continue les négociations avec le traité du TAFTA, en fait, voilà, ça n'a jamais été arrêté, les négociations. Ils nous disent simplement, au niveau du gouvernement, que ça a été arrêté, puis en même temps, les Hollande et les Merkel, etc., ils avalisent, ils autorisent Jean-Claude Juncker de négocier pour eux, ils les autorisent, quoi. Voilà, quoi. Bon, voilà. On voit les grosses arnaques que sont l'Union européenne. Voilà, c'est juste pour rebondir sur l'Union européenne. Merci. Moi, je vais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit. Je pense que même si on prend, je suis d'accord que l'homme présidentiel, ça peut pas faire une démocratie. Et même par rapport aux partis, les partis en France, on sait très bien que voilà, on sait la gauche, on sait très bien ce qu'ils font. Ils font une politique continuelle à la droite. On sait tous que tous ces gens-là, ils sortent tous de la même école, de l'ENA. On sait tout, ouais, mais pratiquement. Et on sait tous que de toute façon. Si on peut pas, même si on élit quelqu'un qui nous gouverne, il aura toujours l'autorité par rapport à ceux du bas. Donc, faut mieux faire comme on fait à Nuit Debout, c'est faire les trucs collectivement et même par exemple virer tous les partis. Parce que les partis, sincèrement, ça sert à rien. Tu as dit ça? Ah ok. Bah c'est juste par rapport à ça. Tu veux réagir, ouais? Je veux bien répéter quoi, en fait, les partis politiques c'est pas démocratique, hein, c'est des machines de guerre à gagner les élections. Hein. Voilà quoi. Pareil dans les partis politiques, tu choisis pas les gens pour qui tu votes, hein, c'est comme au niveau du gouvernement, hein, on te met des gens avant que tu votes et puis si t'es pas content c'est pareil. Bon, voilà quoi, et puis sur la gauche et la droite, hein, je l'ai dit, hein, le PS, voilà quoi, ils ont accepté le capitalisme comme une nécessité dès l'origine, hein, congrès de Tours 1920, et puis le PC, voilà, que c'était l'autre parti de gauche, c'est pareil, ils sont alignés sur les thèses de Lénine, voilà quoi, le capitalisme d'État, hein, c'est une minorité bureaucratique qui a exploité le peuple russe pendant 70 ans, quoi, la dictature bolchevique, quoi, bon, voilà pour réagir rapidement sur ce que tu dis, quoi. Enfin, j'ai déjà dit tout ça tout à l'heure, quoi, voilà. Oui, moi, je voulais poser une question. Alors, c'est pas forcément la mienne, hein, parce que... Mais il y a quand même, dans la fonction du... Peut-être du président maintenant, mais en tout cas du politique, c'est la prise de décision dans les moments de crise, on pourrait dire, ou en tout cas suite à une catastrophe, ou pour prévenir une catastrophe. Enfin, il y a un moment, il faut que la décision soit prise rapidement. Et donc, du coup, ma question, c'était, dans ce système de vraie démocratie, comment pourrait se passer, justement, la prise de décision politique, on pourrait dire, dans l'urgence? Ça, c'était juste le point principal. Et je voulais juste rebondir sur la question de faire des assemblées constituantes et de réécrire une constitution. En fait, avant Nuit Debout, ça a déjà été fait par plein d'associations, par plein de personnes qui essayent de le faire. Et le souci, encore une fois, et c'est là où je suis d'accord avec toi, comment est-ce que cette vraie démocratie peut venir en place? Ça va commencer par... On en parle tous ensemble, voilà, pour que les gens s'y mettent petit à petit. Parce que on peut être, je sais pas, même disons 1000 à écrire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, mis à part d'aller demander au gouvernement... Allez, s'il vous plaît, quand même, il y a bien quelqu'un qui va venir pour la voter. Bon, bien sûr, ils le feront jamais. Donc, faut d'abord que le rapport de force s'inverse pour que cette constitution puisse être adoptée. Donc, le problème, c'est pas de l'écrire en soi. C'est qu'on soit assez pour vouloir la réécrire. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais, tu réagis. Donc, rapidement... supprimer la fonction présidentielle, c'est pas on peut conserver le gouvernement, hein. On peut supprimer je te parle, Adèle, voilà, supprimer la fonction présidentielle, c'est on peut conserver le gouvernement, l'exécutif, hein. Ça n'empêche pas, quoi. Enfin, après, faut voir, hein, il y a plein de modalités. Bon, il y en a que ça peut pas, moi non plus, hein. Moi, je serais pour une assemblée, simplement. Après, dans la démocratie grecque, comme je disais tout à l'heure, ou dans la République romaine, on avait justement en cas de guerre, donc, parce que justement, la délibération, c'est long pour prendre des décisions, une délibération d'assemblée. Bon, voilà, faut que le peuple soit éclairé, comme j'expliquais tout à l'heure, etc. Donc, il y a des débats, etc. Et donc c'est long, et ce qu'ils faisaient les Grecs en cas de guerre, ils nommaient un stratège. On peut faire la même chose, hein. On peut nommer un stratège pour des décisions rapides, on peut nommer un truc collégial même, parce que le stratège ça peut être délicat aussi, ou un dictateur, ce qu'ils appellent dictateur les Romains, c'était ça, hein, c'était la même chose, hein, ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc voilà pour ta réponse, pour rebondir aussi sur ce que disait le monsieur tout à l'heure. Ouais, c'est le monsieur qui parlait aussi de différence droite-gauche, ouais, on voit par exemple des gens qui on a eu un président qui s'appelait Georges Pompidou, qui était le directeur de la banque Rothschild, hein. On a un monsieur qui s'appelle Attali, qui a été conseiller de Mitterrand, et c'est lui qui a présenté Hollande à Mitterrand, hein, comme par hasard. Après, il se retrouve conseiller de Sarkozy, on voit qu'il n'y a pas des grosses différences. Et après, je vous le donne en mille, qui a présenté à monsieur Hollande le fameux monsieur qui travaillait chez Rothschild, là, qui était directeur aussi chez Rothschild, le fameux Macron, bah, c'est encore Attali, hein, qui a présenté Macron à Hollande, voilà, pour rebondir. Il y a d'autres gens qui veulent... Donc là, il nous reste 10 minutes pour cette intervention, donc voilà, hein, posez vos questions, réagissez, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi d'ailleurs. Réécrire la Constitution, bien entendu, tout vient de là, en fait. Reprendre la souveraineté au peuple, il faut la réécrire, il faut l'encadrer juridiquement. Donc forcément, réécrire la Constitution, c'est très important. Mais il ne s'agit pas... Moi, personnellement, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, à réécrire, participer à des ateliers depuis 2005. C'est pas depuis Nuit Debout. En effet, ça a commencé depuis très très longtemps. Le peuple n'a pas attendu Nuit Debout pour s'organiser. Il y a des solutions, ils ont trouvé, il y a plein d'associations qui se sont organisées. Il y a des solutions. Maintenant, il faut juste les manager et les réaliser, ces solutions. Donc il n'est pas question aujourd'hui de faire des propositions au système actuel tel qu'il est. parce que tel qu'il est organisé, je vous dis, le système tel qu'il est actuel, il est verrouillé. Le peuple ne peut rien faire. C'est pas la peine d'aller toquer et leur dire voilà, nous avons des solutions. Non, tout ce qu'ils font, le fait de nous cantonner comme des citoyens, des assistés, ils nous cantonnent comme des ignorants, sans pouvoir, ils l'ont organisé en réécrivant justement les lois pour eux. Ils ont programmé notre impuissance et organisé leur pouvoir. Donc il n'est pas question d'aller leur demander quoi que ce soit, mais il est question de réfléchir comment déconstruire le système actuel pour le reconstruire en mettant le citoyen au centre de l'intérêt. Il y a besoin de déconstruire le système. Il n'est pas question de demander quoi que ce soit. Tu veux réagir ou pas? Non, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je me demande quel citoyen. On parle de, on n'est pas assez nombreux, mais quel nombre? Au fond du problème, il y a la qualité. Et ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Un nombre qui a la qualité, comment? Mais absolument, le peuple, c'est un ensemble d'individus. Et c'est le niveau de ces individus qui fait le niveau du peuple. Pour moi, le problème de fond n'est pas la Constitution, n'est pas les présidents, etc. C'est le niveau que nous avons. Un peuple de bon niveau a un bon gouvernement. Voilà. Si on ne balaye pas à nous-mêmes, c'est-à-dire, il est trop facile de dire que c'est la faute de l'autre. Et moi, je suis le premier à tomber dans ces pièges. Hein? Et ce n'est pas une faute. C'est qu'ils nous ont mis dans une situation telle qu'on est désarmé. Il faut se réarmer, absolument. Et pour se réarmer, il faut changer l'éducation. C'est-à-dire, il faut reporter l'éducation à sa mission réelle, qui n'est pas la mission du savoir, comme on dit tout le monde dit, transmission du savoir. Non, c'est la transmission du savoir-faire, et pas n'importe quel savoir-faire. C'est le discernement entre le bien et le mal, entre ce qu'il faut faire dans la vie et ce qu'il ne faut pas, fin de l'enfance. Il faut qu'ils soient préparés, les citoyens. Et je ne parle pas de Rousseau et des autres. Je m'arrête là, mais j'espère que mon message passe. C'est nous qui avons le pouvoir, pas eux. C'est nous qui avons le pouvoir, si nous savons l'utiliser, si nous savons le reconstruire, jour après jour, entre nous, avec les autres. Jusqu'à ce qu'on attribue aux autres, aux partis, à la Constitution, au collectivisme, à ceci, à cela, on fuit la vérité. La vérité est, soyons-nous, entre nous, pédagogues, soyons-nous pour demander une chose. Je l'ai proposé ici, on est en train de détruire la société, et on l'espère. Le travail est fondamental, on est ancora avec le travail comme une punition. Le travail est fondamental, parce que c'est sulla base di travail che l'uomo si è bâti, l'uomo e la femme. Sulla difficoltà, e non pas sulla facilità. On crée le langage, on crée la pensée, et on arrive là ancora in condition de se battre. On est loin d'avoir perdu. Mais revenons au vrai valeur. L'école, il faut qu'elle ne soit pas l'école du loisir, l'école des vacances d'hiver, l'école de la trop fatigue, l'école de ceci et de cela. Les moyens sont toujours prêts à vous les donner, les syndicats réclament les moyens. Mais les moyens, c'est des esclavages. On réclame une subvention pour tout le monde. Comment on peut accepter ça? Je arrête. Ah bon, d'accord, merci, on m'arrête. Si vous voulez, je vais continuer. Mais si vous voulez pas, je m'arrête. C'est à vous de me le dire. Voilà, je sais c'est la démocratie. Mais non, c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Parce que quand il y a une parole qui dérange, on arrête. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Alors, c'est pas ta parole qui nous dérange, en fait, c'est qu'il reste 5 minutes et qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de parler. Voilà. Je me permets de lui passer avant s'il n'a pas encore parlé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ulysse sur le fait qu'on n'a peut-être pas, je traduis un peu, mais on n'est peut-être pas dans les conditions qui font qu'une constitution, par exemple, puisse être écrite. Comme effectivement, depuis 2005, il y a des gens un peu partout en France qui en écrivent. Bon, je ne sais pas s'ils doivent la diffuser, mais moi, j'en ai pas vraiment eu connaissance. Et ça suffit pas de l'écrire pour que ça prenne. C'est clair. C'est ce qui a été dit avant. On peut pondre un super texte, même s'il est super, si on n'a pas, les moyens, le pouvoir et assez de gens derrière nous, c'est un peu ce qui a été dit jusqu'à présent, pour l'appuyer, qui sont prêts à s'investir, quoi, à quitter leurs petites deux pièces, et à sortir dans la rue, etc. On a vu que c'est quand même, ça tient un mois, et puis après, et du coup, moi je rejoins à fond ce que disait le camarade là-bas, hein, c'est-à-dire qu'il faut créer, l'idée c'est comment faire en sorte qu'une constitution puisse être écrite et prendre du poids et de la valeur et être soit entendue et soit saisie. C'est en créant les conditions de ça. Et alors les conditions de ça, moi je pense qu'en ce moment, par exemple, c'est le moment d'ouvrir des lieux un peu partout dans lesquels on crée des conditions pour se rencontrer, pour discuter, pour se connaître, etc. Et de multiplier ces lieux-là dans Paris, en Ile-de-France, parce que c'est nous, mais que les autres fassent ça chez eux. Et je pense que ça peut changer très vite. J'y crois pas maintenant, j'y crois dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, j'en sais pas. Voilà, donc pour moi c'est, il faut qu'on œuvre à la création des conditions. C'est ce qui a été fait à Nuit Debout. Il y a plein de gens qui sont prêts à, qui sont transformés sur cette place. Moi, je me suis senti transformé sur cette place, vraiment. Et c'est ça. Il me semble que Nuit Debout, c'est pas la question d'être mort, etc. Faut que ça se reproduise partout ailleurs. Et là, il y a beaucoup de gens ici qui veulent bouger et aller ailleurs aussi pour ça. Bon, bah, du coup, je rebondis directement sur ce que tu as dit. C'est vrai que réfléchir en rapport de force, je suis pas sûr que ça va marcher. Il suffit pas d'être un grand nombre pour imposer d'un coup une démocratie. Je pense que ça ne marchera pas. Si ça fonctionne en révolution, en général, en plus si la révolution fonctionne, bah c'est les plus violents qui vont s'asseoir. Là-dessus j'ai des doutes, mais par contre ce qui marche plutôt pas mal, c'est de partir vers le bas. C'est s'apercevoir qu'il y a des exemples, bah, comme par exemple Saillant en France, peut-être d'autres, Marina Leda en Espagne. C'est la chance qu'on a, c'est qu'à Saillant, c'est un coin paumé, il n'y a que 1200 habitants, et ils ont réussi à fonctionner en démocratie. Et pour tous les habitants qui habitent autour de cette ville, ils ont pu s'apercevoir que ce système c'était un système démocratique, parce que la majorité de la population ne sait pas ce que c'est une démocratie réellement. Donc ils peuvent être mis au courant, savoir comment ça fonctionne, et au meilleur des cas rêver de faire la même chose chez eux. Donc je pense que la meilleure solution, ça serait de partir chacun dans sa ville. Je ne sais pas si vous habitez tous à Paris. Moi, j'habite autour, dans le 94. J'ai la chance d'avoir des élus qui organisent de temps en temps dans l'année des réunions avec les habitants. Et c'est là que j'en profite. J'y vais et puis je me lâche. Je parle de démocratie. Est-ce que ça vous dirait que plutôt que vous fassiez votre projet dans votre coin et que vous nous le présentiez, et si on le travaillait ensemble, au moins ça éviterait que vous preniez des tollés en face, en commentaire. C'est le fait d'introduire le citoyen justement dans les décisions. Même si ça n'arrive pas forcément, même si les gens à qui je dis ça ne sont pas tous d'accord, notamment les élus, ça permet justement de les faire réfléchir et de savoir qu'il y a moyen de fonctionner comme ça. Et plus il y aura de communes qui commenceront à fonctionner de manière de plus en plus démocratique, ça donnera, je pense, de plus en plus l'envie au reste de la population de voir fonctionner pareil. Et je pense que c'est comme ça, en remontant petit à petit, que ça va marcher le mieux. Bon, voilà, non, tu veux pas réagir? Attends, il y a quelqu'un qui veut rebondir. Deux secondes. En fait, on a parlé du système. Quand on dit qu'il faut déconstruire le système, justement, il faut changer les modalités de fonctionnement de tout. Ça vous fait rire ce que je dis ? D'accord. Il faut changer l'éducation, la santé, l'emploi, tout est à refaire. Tout est à refaire. Et bien entendu, quand on parle de la réécriture de la Constitution, moi j'ai pris connaissance en fouinant sur le net en 2005. J'ai trouvé qu'il y a des ateliers où les gens réfléchissent sur pourquoi est-ce qu'on ne peut rien faire, le peuple n'a aucun pouvoir. Eh bien, ils se sont dit, oui, parce que la Constitution, elle le cantonne en second plan. il n'a pas de pouvoir parce que la Constitution ne le lui donne pas. Donc il faut commencer par réécrire la Constitution. Et ils sont venus, les ateliers, à Nuit Debout. Hein, si vous les avez pas vus, c'est dommage. Ils venaient tous les mercredis, grand affichage. Ils vous invitaient à venir participer parce que n'importe qui peut réécrire la Constitution. Il ne faut pas être professionnel du droit, ça n'a rien à voir. Il suffit d'être attentif à ce que nous vivons, ce que nous subissons. Et avoir un discernement, réfléchir et se dire, voilà, ce qui me va, c'est ça, c'est voilà comment je vois la santé, voilà comment je vois l'éducation. Et c'est comme ça qu'on participe, avec un esprit de respect de l'autre, d'écoute. Effectivement, ça va prendre du temps pour sensibiliser les mentalités, et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça passera forcément par la déconstruction du système. Il n'y a rien à demander aujourd'hui, on ne peut rien faire sans passer par... mettre à plat ce système et le reconstruire en mettant l'intérêt du citoyen au centre de l'intérêt. C'est pas l'individu, il doit participer dans l'hémicycle, c'est pas ça. L'intérêt du citoyen doit être au centre de tout ce que nous engageons comme politique et comme décision. Donc tu veux conclure? Tu veux que je conclue, c'est la fin, ok? Ouais. Ouais, il veut parler avant, tu veux parler avant Ulysse, vas-y. Oui, très rapidement. S'il vous plaît. Donc, la Constitution, elle sera détricotée, ne vous en faites pas. Chaque loi, elle sera refaite. On court après des fantômes. C'est la base de la solution, c'est gardons ce qu'il y a. Quel gouvernement gouverne, que ce soit droite ou gauche, mais agissons dès maintenant, en donnant la chasse, je l'ai fait, hein, à des langages erronés qui sont venus à la mode et qui ont bouleversé le monde. Allora, se il langage è un esempio, la moralità vous pouvez pas parler à l'école, au collège, au lycée, hein, vous êtes hors jeu si vous parlez de moralité. Allora, la moralité, on s'est inventé un adjectif amoral, qui n'existait pas avant 1885. Maintenant, amoral, la politique amorale, l'économie amorale, la science amorale, tout est amoral et tout peut y passer. Si on perd les valeurs, si on perd les normes, si on perd la boussole, ça on peut le faire même avec la constitution actuelle, mais n'attendons pas. Exigeons que l'éducation nationale devienne une éducation populaire. Et que on commence tout de suite pour réformer, non avec des rustines, non avec des demi-journées qui posent des problèmes parce qu'on accorde à des enfants qui sont torturés. L'histoire des collèges, c'est horrible ce qu'on fait. Dès maintenant, les parents qui sont responsables doivent se révolter, les syndicats qui sont responsables, ils doivent arrêter d'intervenir en demandant des moyens. Les moyens vous accorderont, je l'ai dit en conseil de classe et d'assemblée même. Les moyennes vont faire tourner la boutique, seront toujours contents et vous occuperont et vous empêcheront de faire et d'apprendre vous-même. Parce que c'est nous qui devons apprendre pour pouvoir transmettre. Si nous ne faisons pas réflexion sur nous-mêmes, on n'arrivera pas. Les pauvres continueront à trimer et c'est terrible, terrible. Ils ont sacrifié l'enfance sur l'autel de l'économie et ils continuent. Allez, merci d'avoir écouté. Oui, je rebondis sur ce que tu disais. L'éducation, c'est super important. C'est voilà, c'est la chose primordiale, quoi. Si évidemment, il faudrait que on soit éduqué à la citoyenneté, il faudrait qu'on soit éduqué à s'occuper de politique dès le plus jeune âge, à faire des petites assemblées, à que le prof ce soit pas simplement quelqu'un qui délivre un savoir avec les élèves qui consomment, supprimer les notations parce qu'on met les gens en concurrence. Voilà, la concurrence, c'est une valeur de droite, hein, comme je disais tout à l'heure, concurrence, égoïsme. Voilà, copie pas sur ma copie, alors qu'on devrait être dans le partage des connaissances entre élèves, etc., etc. Évidemment, ouais, voilà, tout ça, c'est important. Pour revenir aussi sur les écritures de constitution, ouais, c'est très bien aussi, très important, c'est un très bon exercice parce que justement, quand on réécrit la constitution, comme ces fameux ateliers constituants, on apprend justement à voir comment la Constitution est faite, comment notre État et les lois de nos autres États sont faits, etc. Et voilà, ouais. Et là, on s'implique vraiment, on apprend à comprendre, et c'est un très très bon apprentissage de réécrire la Constitution. Voilà. Donc, juste pour revenir sur ce que j'appelais la Ouais, c'est vrai que c'est une guerre de mots, comme disait Ulysse aussi. Je vais rebondir sur Ulysse parce que voilà, le mot démocratie est utilisé à tort et à travers tout le temps, alors qu'on est dans des fausses démocraties. Voilà, la vraie démocratie, c'est quand on a un pouvoir révocable, je répète, hein. Pouvoir révocable, c'est-à-dire que quand une personne a une charge politique, on peut la virer si elle fait pas ce que le peuple lui demande, quoi. Pouvoir impératif révocable. Ensuite, mandat non renouvelable, hein, pour éviter justement les professionnels de la politique, et rotatif, voilà, pour que ça tourne, quoi, et pour éviter les professionnels de la politique, et pour qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des charges politiques, comme ça aussi ils apprennent et ils s'impliquent, et voilà, quoi. Bon, évidemment, ça demande toute une refonte de toute la société, quoi. Évidemment, c'est toute une réorganisation de notre société, quoi, qui serait en vue du citoyen, en vue de la démocratie. Voilà, je rappelle ce que disait Aristote, un citoyen c'est quelqu'un qui est capable d'être gouverné, mais aussi quelqu'un qui est capable de gouverner, voilà, c'est ça. C'est ça être citoyen, ça, non, évidemment, on nous le dit, on ne l'apprend pas, voilà. Je vous remercie à tous pour ce débat, etc. Je tiens à remercier Khaled parce qu'il est resté 1h40 au lieu de 1h à la base, et voilà, merci pour ta patience et ta motivation. Je tiens à dire que voilà, nous c'est Debout Éducation Populaire. En ce moment, on est en manque de personnel. On a du mal à recruter là, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà, si vous avez du temps libre, une heure ou deux par-ci par-là le week-end, la semaine, le vendredi, nous on est présents sur la place le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le vendredi c'est 18h-20h, et samedi et dimanche c'est 15h-19h. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, et même si vous voulez présenter un sujet, faire une intervention, donc vous avez 20 minutes de présentation à préparer sur n'importe quel sujet, on est ouvert à toute proposition, et on débatte ce sujet tous ensemble, sans prise de tête et dans la bonne humeur, comme d'habitude. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis à vendredi, voilà, au revoir.